Chapitre 26e, le conseil des cinq. Le lendemain, maître Maxou, en revenant du palais, trouva chez lui une lettre qu'un valet galonné avait apportée pendant son absence. C'était une de ces mignonnes lettres dont le parfum dénonce la jolie femme et dont l'écriture fit battre son cœur. Il l'ouvrit en toute hâte et lut ce qui suit. « Mon ami, ce soir à 9h, je vous attendrai dans ma nouvelle demeure, place des Vosges. Je vous prie d'amener le docteur Cabarrox, M. Salabert et M. Martineau. J'aurai d'importantes communications à vous faire, ainsi qu'à vos trois amis. Flavia. » Le premier mouvement du jeune avocat fut tout à la joie. Le second fut du dépit. « Ah, les femmes !» murmura-t-il. « Les meilleures ne sont jamais bonnes qu'à demi. » Il se disposait à jeter le billet ambré sur sa table lorsqu'il aperçut un post-scriptum. « Si vous désirez me voir avant l'heure indiquée, disait ce post-scriptum, faites prévenir vos amis que je compte sur leur visite et venez chez moi à 8h. J'y serai pour vous seul. »« Cher Flavia, pensa Maxou, j'avais calomnié son cœur. » Et il baisa la lettre à diverses reprises. Un instant après, il frappa coup sur un timbre. Dame Simone accourut tout effarée. « Qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il ? Le feu serait-il à la maison ? Demanda-t-elle. « Servez-moi à dîner, » dit l'avocat. « Mais je viens seulement d'allumer mes fourneaux, » répondit la Toulousaine. « Ah ça, à quoi pensez-vous donc ? » répliqua son maître en frappant du pied. « Je pense, monsieur, qu'il s'en faut une bonne heure et demie, qu'il soit 6h. Regardez plutôt la pendule. »« Allez au diable, la pendule et vous !» s'écria Maxou hors de lui. « Je vais à ma cuisine, » repartit Dame Simone en sortant majestueusement. Puis, quand elle eut refermé la porte, elle grommela entre ses dents. « Jésus, mon Dieu, est-ce qu'il serait devenu fou ?»« Oui, maître Maxou était fou, mais fou de bonheur, fou d'espérance. » Flavia sortit du couvent. N'était-ce pas un grand pas fait vers le but qu'il n'avait jamais cessé d'entrevoir ? Sa montre marquait 8h lorsqu'il se présenta chez Miss Colfax. Elle l'attendait dans son salon. Son visage, quoique pâli par suite de son long séjour à l'Hôtel-Dieu, n'avait rien perdu de sa beauté première. C'était toujours la Flavia d'autrefois, plus réfléchie, plus grave sans doute, mais toujours incomparablement belle sous sa magnifique chevelure au ton doré qui lui faisait comme une auréole autour du front. Maître Maxou demeura un moment tout ébloui devant cette apparition. Miss Colfax alla à sa rencontre et lui tenda la main. « Vous le voyez, mon ami ?» lui dit-elle avec un air moitié grave, moitié souriant. « J'ai suivi vos conseils. J'ai quitté la gamme blanche et la robe grise. »« Que vous avez remplacée par une robe noire ?» interrompit l'avocat. « Une robe de deuil. Et je n'en porterai pas d'autre tant que je n'aurai pas réparé le passé. » Puis, changeant de ton, « Mais avez-vous des nouvelles du jeune duc ?» demanda-t-elle à maître Maxou. « Aucune, hélas. Et cette pauvre Irène ? Je l'ai vue aujourd'hui. La blessure qu'elle a reçue au cœur est plus profonde que je ne l'avais supposée. « Ah, c'est que les blessures du cœur sont autrement cruelles que celles du corps, » reprit l'avocat. « Si grave que soit celle-ci, souvent on en guérit. Des autres, on meurt toujours. On meurt ou on oublie. Chez quelques-uns, l'oubli peut arriver avec le temps. Chez d'autres, il ne vient jamais. » L'entretien menaçait de prendre une allure trop sérieuse et Miss Colfax jugea utile d'y apporter un correctif. Elle se dirigea vers la fenêtre et l'ouvrit. « Venez, mon ami, » dit-elle à son ancien défenseur, « et regardez. » Maître Maxou la rejoignit. Le tableau qu'ils avaient devant les yeux était splendide. Au-dessus de leur tête, à l'orient, se dressait comme un demi-cercle d'or le croissant de la lune. Au-dessous de lui flottaient de légers nuages blanchâtres. À quelque distance le suivait son fidèle et lumineux satellite. À gauche, on voyait le radieux char d'Orion, puis la grande ourse, puis la chaise, et la voie lactée qui coupait en deux, comme par un long ruban d'homme en pâle, le ciel bleu tacheté de paillettes étincelantes. Bientôt le regard descendit du ciel sur le square. Une partie de ces arbres, noyés dans l'ombre, présentait une masse noirâtre. Une autre se montrait dans une demi-teinte. La lune éclairait le reste. Flavia et Maxou, émerveillés et silencieux, contemplèrent pendant quelque temps cet admirable spectacle de la nature endormie. Le jeune avocat rompit enfin le silence. « Ah » murmura-t-il, « que ne puis-je passer toute ma vie auprès de vous, Flavia, sans autre témoin que ce ciel, que ces étoiles et toutes ces merveilles que nous contemplons en ce moment. Mais ce bonheur ne sera jamais le mien. Jamais votre main ne tombera dans la mienne, et il faudra que mon amour, qui est ma vie, soit ma mort. Pauvre ami, qui peut répondre de l'avenir ? Répondit Miss Colfax d'une voix tendrie. Tout à l'heure, je vous le disais et je vous le répète, quand on survit au déchirement d'un amour trahi ou méconnu, c'est que l'oubli est proche. Ainsi, vous ne me défendez plus d'espérer ? À quoi servirait cette défense ? C'est vrai, je n'en continuerai pas moins à vous aimer. Laissons donc autant le soin de défaire ce qui a été fait, et peut-être qu'un jour... Flavia n'acheva point sa phrase. Peut-être qu'un jour vous pourrez m'aimer ? Demanda le jeune avocat tout tremblant d'émotion. Je ne le sais pas, mais je tâcherai, repartit Miss Colfax. En ce moment, un élégant coupé qui était arrivé par la rue des Vosges s'arrêta devant la porte de l'hôtel et trois hommes en descendirent. Ce sont eux, dit Flavia à son ancien défenseur. Elle referma la fenêtre et ils rentrèrent dans le salon. Quelques instants plus tard, un domestique annonçait le docteur Cavarox, Salvaire et Martineau. Je vous remercie de vous être rendu à mon appel, leur dit Miss Colfax. Votre empressement me fait augurer que je ne vous aurais pas appelé en vain. Et en même temps, elle leur désigna des sièges. Miss, dit Cavarox, lorsque j'ai reçu le billet de mon ami Maxou, j'ai douté une minute et je croyais avoir mal lu. Je m'étais trompé et je vous en félicite. Jeune, riche et belle, vous apparteniez de droit au monde. Le monde vous a reconquise et j'ai l'espoir qu'il vous conservera toujours. Nous n'avons fait, mes amis et moi, qu'obéir à un sentiment de reconnaissance, reprit Martineau en s'inclinant respectueusement, car nul de nous n'a perdu le souvenir de vos anciennes largesses. Miss, dit à son tour le bruyant Salabert, si vous avez encore besoin de mes petits services, je suis à vos ordres comme autrefois. Puisque M. Martineau a fait allusion au passé, répondit Miss Colfax, moi aussi, messieurs, je l'invoquerai afin que vous compreniez bien ce que j'attends de vous aujourd'hui. Il y a 3 ans, continua-t-elle, une jeune institutrice comparaissait devant la cour d'assises de la Nièvre sous le coup d'une accusation terrible, celle d'une tentative d'empoisonnement sur la mère de ses élèves. Des preuves accablantes s'élevaient contre elle, bien qu'elle fût innocente. Alors il se trouva que 3 hommes qui ne la connaissaient point, mais qui avaient foi en son innocence, se réunirent dans le but d'empêcher une erreur judiciaire. L'un de ces hommes était un jeune avocat qui depuis est devenu célèbre, fit la riche héritière en désignant Maître Maxou. Le second était un médecin encore obscur, aujourd'hui l'une de nos gloires scientifiques, qui rédigea le mémoire pour nier le fait matériel de l'empoisonnement. Ce médecin, c'était vous, docteur Cavarox. Vous, Monsieur Martineau, poursuit Miss Colfax, vous avez mis à mon service, afin de me disculper, la force énorme de la presse. Tous vos efforts échouèrent, je fus condamné, puis, peu de temps après, gracié par l'influence de celle qui m'avait sciemment perdu et déshonoré. En sortant de prison, j'allais cacher ma honte imméritée en Amérique, où m'attendait la plus imprévue, la plus inespérée des fortunes. Je devins la fille adoptive de Sir John Colfax, le riche propriétaire d'un lac de pétrole. J'étais parti pauvre de France, et 2 années plus tard, j'y revenais archimillionnaire. Mon unique pensée à mon retour dans mon pays était une pensée de vengeance. Je voulais prendre ma revanche et punir ceux qui m'avaient perdu. Pour atteindre ce but, il me fallait des auxiliaires. Je fis appel à votre dévouement, docteur Cavarox, au vôtre, M. Martineau, au vôtre enfin, M. Salavert. Quant à Maître Maxou, condamnant mes projets, il me refusa son concours et, malgré ses conseils, je persistais à vouloir me venger. Ah, notre succès a été complet, trop complet, hélas. La duchesse de Valombreuse fut forcée d'avouer que c'était elle qui, supposant que je répondais à l'amour de son mari, mort depuis, avait traîtreusement versé le poison dans le breuvage que je lui présentais. Plus tard, menacée par moi de voir son crime dénoncé, elle s'est tuée. Mais ma vengeance ne s'était point arrêtée là. Avant de contraindre la duchesse à chercher un refuge dans la mort, je l'avais frappé dans la personne de son fils et fait ruiner Octave de Valombreuse par une de ces misérables créatures dont le métier est de rendre le semblant d'amour. Ce n'est pas tout. Ne pouvant atteindre le jeune magistrat qui, me croyant coupable, avait puissamment contribué à ma condamnation, je l'ai frappé dans son père, et le suicide du baron de Lavernay fut également mon œuvre et la vôtre. Jusqu'à la fin, j'étais inflexible, implacable. Rien ne m'a désarmé, pas même l'affection de sœur que me portaient les filles de mon ennemi, Ève et Marcel, mariées l'une au vicomte de Kerlusset, l'autre fils du baron de Lavernay. J'ai accompli ma tâche, comme le bourreau la sienne, et ma main ne s'est reposée qu'après avoir fait le vide autour d'elle. Vous venez, miss, de retracer en peu de mots l'historique de notre alliance d'autrefois, dit Salavert, mais vous avez oublié de mentionner les magnifiques récompenses avec lesquelles vous avez payé notre concours à tous trois. Hélas, elles se sont du jour au lendemain évaporées en fumée. Vous vous étiez associé à une œuvre coupable, répliqua Miss Colfax, et cette œuvre devait vous porter malheur. Vous, monsieur Salavert, à la veille d'acheter une étude de notaire, les 200 000 francs que je vous avais remis en billets de banque sont devenus la proie des flammes. Le docteur Cavarox, auquel j'avais procuré la riche clientèle de la colonie américaine, a été forcé, à la suite de pertes à la bourse, de s'expatrier temporairement. Quant à monsieur Martineau, le grand journal dont je l'avais rendu propriétaire et qui devait le conduire à la fortune, a sombré dans ses mains. Oui, messieurs, ajouta-t-elle avec une sombre énergie, votre ami maître Maxou, que je n'ai pas écouté, me l'avait bien dit. La vengeance est une arme à deux tranchants, et presque toujours elle blesse ceux qui s'en servent. J'en ai fait la triste expérience. Comme vous, j'étais frappé, mais comme j'étais la plus coupable, mon châtiment était plus grand que le vôtre. Depuis, j'ai voulu réparer mon passé criminel, mais je n'ai trouvé dans le cloître que l'expiation et non la réparation. C'est pourquoi j'en suis sorti. Aujourd'hui, cette réparation telle que je l'entends, le ciel me l'offre. Vous avez été tous les trois les complices de ma terrible vengeance d'autrefois. Et j'ai pensé que vous ne refuseriez point de devenir les auxiliaires de mon œuvre réparatrice. Mais avant de me répondre, laissez-moi vous expliquer en quoi consiste cette œuvre. Miss Colfax, après une légère pause, poursuivit en ces termes. Les filles de la duchesse de Valombreuse, par suite de menées déloyales, sont ruinées, et leurs maris menacés dans leur honneur. Je veux qu'Ève et Marcel rentrent dans leur fortune, et que l'honneur du vicomte de Kerlusset et du baron de Lavernay demeure intact. D'autre part, l'héritier du grand nom de Valombreuse a disparu depuis 12 jours. Qu'est-il devenu? A-t-il quitté Paris? A-t-il été victime d'un guet-apens? Je l'ignore, mais vivant ou mort, il faut qu'il se retrouve. Enfin, M. Salavert a découvert que l'hôtel du baron Walker renferme un prisonnier d'origine étrangère et est privé de sa raison. Selon toute probabilité, ce prisonnier tient par des liens de parenté à une jeune fille que j'affectionne et je veux qu'il soit rendu à la liberté. Vous le voyez, messieurs, tout ceci ne s'accomplira pas sans de grandes, sans d'immenses difficultés. D'autres que vous reculeraient devant de pareilles entreprises, mais je vous connais de longue date, et j'ai la conviction qu'elles arriveront à bonne fin, si vous voulez vous joindre à moi dans ce que j'ai résolu de faire. À présent, j'attends votre réponse. Quant à moi, répondit Salavert, mon dévouement, comme je l'ai dit tout à l'heure, miss, vous est complètement acquis. Le mien pareillement, dit Martineau. Le docteur Cavarox et maître Maxou répondirent par un signe de tête affirmatif. Je ne m'étais donc pas trompé en pensant que je pouvais compter sur vous, messieurs, reprit Flavia. Maintenant, il est nécessaire de convenir du rôle que chacun de vous aura à remplir. Si vous le permettez, miss, dit Martineau, je me chargerai du jeune duc Octave. J'ai le vague pressentiment que je le découvrirai là où il est, s'il n'a point quitté Paris ou s'il n'est pas mort. « J'allais vous le proposer, » répliqua Miss Colfax. « Quant à M. Salavert, » poursuivit-elle, « c'est lui qui a découvert le prisonnier étranger et... »« J'ai des intelligences dans la place, » interrompit l'ex-clerc de notaire. « Et le jour où vous voudrez y pénétrer, je vous tirerai le cordon de la porte de l'hôtel du boulevard Haussmann. »« Fort bien, » dit Flavia. « Il ne nous reste plus qu'à sauver le patrimoine des filles de la duchesse des mains de leurs spoliateurs. Si le baron Walker est plusieurs fois millionnaire, je suis celle qu'on a surnommée Miss Million, et je suis assez riche pour lutter victorieusement avec lui de puissance à puissance. Mais il est en Amérique, et nous sommes à Paris, » répliqua le jeune avocat. « Aussi est-ce en Amérique qu'il faut le combattre, » repartit Miss Colfax. « Monsieur Martineau s'est chargé de découvrir le jeune duc, Monsieur Salabert de nous conduire auprès du prisonnier, le docteur Cavarocque se doit à ses malades. C'est donc à vous, maître Maxou, que je confie la mission d'aller combattre à New York le baron Walker et mettre, s'il le faut, toute ma fortune dans la balance pour faire tomber le plateau du côté du bon droit. » Quoique Maxou, dès les premières paroles de Flavia, s'attendit à cette conclusion, il ne put comprimer un tressaillement. La pensée de se séparer, même temporairement, de celle qu'il adorait, de celle qu'il avait, au prix de tant d'efforts, arrachée au cloître, et qui, une heure auparavant, lui avait laissé entrevoir l'espérance d'être un jour aimé d'elle, lui étreignait douloureusement le cœur. Mais il comprit en même temps qu'il s'agissait de conquérir Miss Colfax, en se résignant au plus cruel de tous les sacrifices, et ce fut d'une voix ferme qu'il répondit « Quand faudra-t-il que je parte ? Demain ! » dit Flavia. « Demain, je partirai, » répliqua-t-il. « Bien, » fit-elle en lui pressant la main. « Ah ça, et moi ?» dit Cavarox. « Jusqu'ici, je ne vois pas, Miss, l'emploi que vous me destinez dans cette triple entreprise. Je vous l'apprendrai, cher docteur, lorsque le moment sera venu, » répondit Miss Colfax.